Il y a toute une présentation justement des mafias en fait qui ont mis la main sur ce marché-là en fait. Donc là, en ce moment on drague le fond des océans entre autres choses là, de manière incroyable. Ça c'est le monde de la construction, c'est pas juste le monde du transport. Non, c'est surtout c'est le béton en fait. Est-ce qu'on trouve des solutions dans cet ouvrage Creuser jusqu'où extractivisme et limite à la croissance aux éditions Éco-Société? Des ébauches, je dirais, plus de solutions, parce que c'est évident, il n'y a pas de solutions simples. Des solutions qui sont de deux ordres, je dirais. Le premier ordre, il est peut-être de nature conceptuelle. Hein. Du côté des partisans de la décroissance, on met beaucoup de l'avant le concept de décolonisation de notre imaginaire. Hein. Puisqu'avec le capitalisme, la croissance, l'extractivisme, il y a tout un imaginaire qui accompagne ça, hein, celui d'une croissance infinie qu'on va toujours pouvoir puiser dans ce qui est considéré comme un puits sans fond de ressources. Alors que manifestement, ce n'est pas le cas. Ben, il y a toujours la planète Mars, là, où on peut aller chercher des ressources, là, aussi. Oui, mais... le coût énergétique pour se rendre, aller chercher les ressources adéquates, on va buter à d'autres contraintes. Donc, oui, donc, ces voies-là, disons, de manière plus conceptuelle, mais aussi des solutions très pratiques. Je dirais, notamment, ce que Philippe Bioui, dans le livre, amène, la question des low-tech, par exemple. Donc, ce serait de revoir notre rapport à la technique, d'abord en se posant trois questions simples, hein. Pourquoi produit-on? Que produit-on? Et comment produit-on, tu sais? Donc, une redéfinition un peu de nos besoins et de revenir à des objets beaucoup plus simples dans leur conception, beaucoup facilement démontables, réparables et qui usent moins de ressources finalement et qui s'inscrivent dans la durée puisqu'on est dans l'absence d'essence programmée. C'est ça que j'allais dire, vous m'avez les mots de la bouche. Mm-hmm. Mais est-ce que des changements législatifs qui mm-hmm. pourraient être faits, est-ce que des exemples ailleurs dans le monde, vous avez parlé de l'Équateur dans certaines de vos conférences, comme exemple? Oui, ben en fait, eux, de manière conceptuelle, ont justement tenté, l'Équateur, comme exemple, dans leur nouvelle constitution, ont inscrit carrément la notion de droit de la terre-mère, donc comme si la nature avait des droits. Malheureusement, dans la pratique, étant donné qu'ils sont dans les mêmes dynamiques là, capitalistes, ils ont un peu tourné le dos, ça relève plus du discours que finalement que de la pratique, et ils ont même, d'une façon, accentué l'exploitation des ressources dans leur pays. C'est un peu le paradoxe et l'envers du décor, mais il y a cette idée-là d'inscrire, de redéfinir finalement notre rapport au monde, les philosophies du buen vivir, par exemple, dont on entend beaucoup parler en Amérique latine, en Bolivie, entre autres. Donc, il y a ça qui essaie de filtrer dans les esprits tranquillement, mais c'est clairement, ça va passer par une redéfinition de nos besoins, ça c'est sûr. Vous avez co-dirigé cet ouvrage, Creuser jusqu'où, avec Yves-Marie Abraham. Mm-hmm. Il y a un chapitre, et je pense qu'il y en a plusieurs autres collaborations, qui fait référence à l'économie de la nature. Mm-hmm. Oui, en fait, Yves-Marie, dans son texte, c'est vraiment intéressant pour ça, puisque quand je parlais des limites à la fois physiques, mais aussi conceptuelles, l'extractivisme, ça en est un bel exemple, au sens où la science économique, hein, telle qu'elle s'est définie là, depuis le 19e siècle, a carrément mis de côté, en fait, fait abstraction de la nature en tant que paramètre dans l'équation des fameuses lois économiques là, qui seraient, soi-disant, transcendantes là, à la nature humaine. Donc de ramener ce paramètre-là, il s'appuie, un des premiers qui a fait ça, l'économiste roumain Nicolas Georgescu Roegen, dans les années 70, a essayé de ramener le fameux second principe de la thermodynamique, le principe d'entropie dans l'équation économique, puisque, je veux dire, les grands économistes, même certains progressistes, soi-disant, comme Joseph Stiglitz, Robert Solow, ont carrément, ils l'admettent eux-mêmes, la nature, ce n'est pas une donnée pertinente, finalement, t'sais, on peut en faire abstraction, et c'est la technique, finalement, qui va toujours, on va toujours mieux produire, alors que dans les faits, je veux dire, on peut avoir les mêmes ingrédients, on a beau faire le gâteau plus rapidement, on ne fera pas plus de gâteau. On a toujours la même quantité de farine et d'œufs et de que sais-je à mettre dans ce gâteau-là. Les ressources sont limitées, en fait. Et quand on tire la nappe de notre bord, tout fout le camp. D'ailleurs, on a dû inventer un nouveau mot pour remplacer l'économie de la nature, le mot écologie. Oui, voilà. Quel désastre. Pour en revenir au vrai paradigme, voilà, du part que l'économie de la nature était ce qui avait de plus important. Bien sûr. Et que cette nature-là peut avoir une valeur aussi intrinsèque en soi qu'il faut défendre. D'ailleurs, c'est même le sujet de la thèse de doctorat de Jérôme Duprat du groupe Les Cowboys Fringants. Oui, oui. Donc, allons donc entendre Les Cowboys Fringants là-dessus. Super, merci beaucoup, David Murray. Bien, merci beaucoup, éditeur à Éco-Société, co-dirigeant de cet ouvrage Jusqu'où creuser, extractivisme Pardon, creuser jusqu'où? Ah ben, ça sera peut-être la tome 2. Extractivisme et limites à la croissance aux éditions Conseil-CD. Merci beaucoup, David Marie. Tout blanc ou bien tout bleu, à la fin... Yves-Marie Abraham. Oui. Êtes-vous d'accord avec ce que votre co-directeur et éditeur, d'ailleurs, il faut rappeler que David Marie est éditeur aux éditions Éco-Société. Êtes-vous d'accord avec comment décrit votre chapitre, votre collègue? Ben, je vais pas le contredire, mais non, bien sûr, on a travaillé ensemble, donc on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Peut-être qu'on peut tirer les conclusions que lui n'a pas tirées là du résumé qu'il en a fait, à savoir que il faut peut-être remettre en question l'importance qu'on donne aujourd'hui à la théorie économique dite orthodoxe. Quoi. Enfin, donc elle a quand même un énorme problème là, dans le fait qu'elle nie en fait les limites biophysiques de la planète. Elle le fait depuis la fin du 19e en fait, parce que les premiers économistes, les économistes classiques étaient sensibles à ces questions, mais depuis probablement parce que ils ont été fascinés comme tout le monde par notre puissance technique, donc ils ont considéré que effectivement ces limites biophysiques n'étaient pas considérées dans le portrait. Aujourd'hui elles nous reviennent dans la face dans une large mesure, et cette théorie économique essaye d'en tenir compte de plus en plus, mais à mon avis je pense qu'elle est foncièrement problématique et qu'il faut l'abolir en tant que telle. Il faut arrêter de soumettre des milliers et des milliers d'étudiants chaque année à cette théorie dont la principale raison d'être est quand même la justification du capitalisme, pour dire les choses de manière brutale. Tout à fait. D'ailleurs, on y reviendra en conclusion. L'épilogue, en fait, que vous signez dans cet ouvrage, Creuser jusqu'où, est intéressant. Mais avant d'y arriver, Alain Deneau soulevait cette semaine, justement avec David Murray, devant des étudiants en anthropologie, que dans le fond, il faut se révolter que le mot économie, l'économique, c'est un mot qui appartenait à la nature avant que les scientifiques de la science économique se l'usurpent et qu'on soit obligé de créer un nouveau mot qui est l'écologie. c'est une des idées très intéressantes de Alain Deneau, d'essayer de récupérer ce mot-là, en fait, en disant il est pas si moche. Les économistes l'ont sali. C'est ça. En se l'appropriant, mais c'est un mot qui est tout à fait utile, tout à fait intéressant, qu'il faut essayer de récupérer. Alors ça, c'est la stratégie d'Alain. Ce serait pas forcément la mienne, mais elle est très intéressante. Alors comment faire l'économie de la nature, Yves-Marie? En fait le terme là le titre que j'ai proposé, c'est ce que je voulais dire par là, c'est que les économistes font l'économie de la nature, en ce sens qu'ils s'en occupent pas, en fait, hein, donc on n'en traite pas. Et alors comment le faire? C'est un peu ce que vous suggériez dans la discussion avec David tout à l'heure. De fait, je pense qu'il y a l'écologie qui a amené un certain nombre de choses importantes, donc qui est une discipline essentielle. Le problème de l'écologie, c'est qu'elle peut être elle aussi très technicienne, très expertocratique, et qu'elle néglige d'autres aspects, donc d'où l'intérêt de ce qu'on appelle plutôt l'écologie politique. Donc là on aborde la question écologique comme une question politique, donc ça veut dire une question qui concerne la cité, qui concerne tous les membres de la cité et pas seulement ceux qui connaissent la nature, ce qui serait un peu le risque avec les écologistes parfois. Donc les grands théoriciens d'écologie politique, il y a notamment André Gorz, qui est d'ailleurs pas mal évoqué dans le bouquin par l'intermédiaire de Jonathan Durand-Folco qui s'appuie beaucoup sur lui. Donc il faut faire de l'écologie, mais plutôt de l'écologie politique. Il y a aussi des économistes qui font ce qu'ils appellent de l'économie écologique, qui est quand même pas mal dans la même dimension. Là, on essaye d'articuler des préoccupations qui sont des préoccupations économiques, des préoccupations écologiques et des préoccupations politiques, à savoir que c'est nos affaires, quoi. C'est pas les affaires des grandes multinationales qui font dans l'extractivisme, c'est pas l'affaire des quelques-uns qui sont au sommet de nos États, c'est les affaires du peuple, c'est les affaires de tout le monde. Et donc, dans votre épilogue, moins d'humains ou plus d'humanité, vous mentionnez que les pages qui précèdent donc cet ouvrage constituent un réquisitoire sans appel contre l'extractivisme et que dans le fond, on y parle que ce sont tout ça pour des bénéfices qui demeurent restreints et surtout éphémères. Ouais, c'est, ça a été un peu une surprise pour même pour moi en fait. C'était il y avait beaucoup de sujets que je connaissais pas, mais après avoir finalement récolté tous ces points de vue et essayer d'en faire la synthèse, c'est qu'on se rend compte que c'est quand même un modèle qui est tout à fait désastreux, sauf effectivement pour une petite minorité qui en tire les bénéfices immédiats, mais collectivement on voit pas bien ce qui permet de défendre en fait ce modèle, puisque alors sur le plan écologique c'est surtout par là qu'on l'avait abordé. Sur le plan écologique c'est un désastre, puisque on a d'un côté de l'épuisement de nos ressources, et pas seulement les ressources non renouvelables comme vous le disiez dans la discussion avec David, puisque ce qu'on appelle les ressources renouvelables, ce qui est un mot très problématique d'ailleurs, puisque on a l'impression qu'elles sont renouvelables à l'infini, alors c'est pas le cas. C'est ce que montre le cas de la pêche, le problème de la morue par exemple. On a une ressource en principe renouvelable, mais sauf que passé un certain seuil d'exploitation, elle ne l'est plus. Donc il y a un vrai problème écologique sur ce plan-là en termes d'épuisement et de production de déchets, de polluants. Mais et c'est ce qu'on montre aussi à plusieurs endroits dans le bouquin, il y a même un problème strictement économique. Donc on en fait pourtant l'argument majeur en faveur de ce type de ce type d'exploitation. Or qu'est-ce qu'on voit, c'est que c'est un modèle qui fragilise énormément en fait les régions et les pays qui reposent là-dessus. Et on a eu une espèce de conjoncture là assez heureuse, si on peut dire. On a fini le bouquin au moment même où on a commencé à parler d'un risque de récession au Canada à cause donc de la chute du prix du pétrole. Donc qui montre bien que quand on a une économie qui repose complètement là-dessus, s'il y a une évolution comme celle qui s'est passée là sur le pétrole, c'est finalement tous nos pays, c'est-à-dire des millions et des millions de gens qui sont affectés par ça, parce que on a une économie qui ne garantit absolument pas notre autonomie, notre résilience, comme on dit aujourd'hui. Donc sur le plan économique, c'est pas défendable. Sur le plan social, souvent, on se rend compte que c'est quand même synonyme d'exploitation aussi très dure. Bien souvent, on a des mains d'œuvre un peu sans défense là qui sont à la base de ce modèle là. Et en termes de politique, c'est lié à l'économique. On a des États qui résistent assez peu à la tentation d'aller chercher cette manne financière là, assez facilement, mais qui du coup se mettent au service de soit d'autres États plus puissants, soit de grandes industries en fait. Donc c'est quand même très peu défendable. La question à ce moment-là, c'est sûr qu'un des grands arguments qu'on nous renvoie, c'est de dire, mais écoutez, bon, fondamentalement, c'est un phénomène qui est historique, qui est là depuis les débuts de l'humanité. Alors c'est là-dessus que je termine mon texte. Donc ce qu'on questionne aussi dans ce livre-là, c'est le fait que ce serait en quelque sorte inscrit dans nos gènes, dans la nature humaine. Non, c'est inscrit dans le capitalisme, donc c'est quelque chose d'assez récent. Ça fait pas si longtemps que ça que les humains fouillent les entrailles de la Terre aussi de manière aussi éhontée qu'on le fait aujourd'hui. Il y avait des limites qu'on se posait, et ces limites on les a fait disparaître, on les a niées depuis 300 ans fondamentalement. Quoi. Mais comment se fait-il qu'on n'ait pas davantage remis en question ce paradigme, cette façon de faire, puis à quelles conditions on pourrait sortir de cette logique délétère? De toute façon, on va en sortir parce qu'on peut pas creuser sans limite. Hein. C'est le creuser jusqu'où la réponse, on la connaît. Il y a des limites biophysiques qui sont en train de se manifester. Donc celles-là, elles vont s'imposer. C'est-à-dire que on va en sortir. La question, c'est est-ce que on en sort de manière sauvage et brutale parce que on a une espèce de retour de bâton d'ordre écologique, c'est-à-dire que ces limites se manifestent. Et elles ont commencé à le faire. Ou est-ce que effectivement on tente d'atténuer le choc et on tente d'amorcer la sortie par nous-mêmes en fait, de manière contrôlée et démocratique. Donc c'est évidemment vers cette solution-là que on essaye d'attirer nos concitoyens. Nos contemporains, on espère encore que c'est possible de commencer à sortir de là, mais c'est un pari qui est très optimiste. Il est par contre pas plus utopiste que celui qui consiste à dire qu'on pourrait continuer sans fin. Or c'est un peu ce que nous disent encore nos dirigeants et aussi bien de nos économistes. Bon, on n'a pas cette tendance écocidaire comme vous l'expliquez si bien. C'est ça. Il y a tout un discours qui me paraît dangereux aujourd'hui, dont un des ténors est sans doute Jared Diamond, avec son fameux livre qui s'intitule en français donc Effondrement, qui dit finalement c'est dans l'humanité un peu cette capacité à s'autodétruire régulièrement, bon c'est ce qui va nous arriver. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut questionner. S'il y a une tendance écocidaire, elle est au cœur même, je pense, du capitalisme. Elle n'est pas au cœur de l'humanité en fait. Hein, d'où le titre que je propose à la fin. Parce que tous ces gens qui disent, écoutez, cette tendance-là, elle est inscrite dans notre nature, bien souvent, sur quoi débouche leur proposition d'amélioration, la proposition de sortie, c'est de réduire la population mondiale. Ce qui est cohérent, parce que si pour eux c'est inscrit dans notre nature que de se suicider, ben la meilleure manière d'éviter ce suicide collectif, c'est qu'il y ait peut-être moins d'humains. Ce faisant, là, pour moi, il y a quelque chose de complètement inacceptable sur un plan politique. Les populations qui sont visées aujourd'hui par une réduction de leur démographie, c'est comme par hasard des populations que jusqu'ici on a exploitées de manière là aussi éhontée, notamment sur le plan de la ressource naturelle. Donc en fait, après les avoir exploitées pendant des siècles, donc de différentes manières, coloniales, néocoloniales, aujourd'hui on met encore finalement la faute sur eux. On dit le problème aujourd'hui, c'est vous qui faites trop d'enfants, alors que c'est clairement notre modèle civilisationnel qui est en cause. C'est pas l'humanité en tant que telle. La machine travaille planétaire. Ouais, pas mal. Dans cette perspective, donc ce qu'on peut espérer de comprendre que l'espèce humaine ne soit pas vraiment autodestructrice, ça passe donc pas par la réduction du nombre d'humains sur Terre. Ben non, moi je pense pas. On le voit bien aujourd'hui. Il y a encore eu une sortie là, de Piketty cette semaine sur des données qui sont trop peu mises de l'avant. On fait des comparaisons entre pays sur les émissions de gaz à effet de serre. Alors c'est quand même intéressant, ça permet de voir que il y a des pays qui sont aujourd'hui pas du tout problématiques sur ce plan-là, et que c'est bien le Nord qui est en cause fondamentalement, et puis aujourd'hui des pays qui ont embarqué sur leur modèle, dont évidemment la Chine. Mais la Chine qui travaille pas pour les Chinois, qui travaille dans une large mesure pour nous, c'est-à-dire pour le reste de l'Occident. Donc cette comparaison est déjà intéressante, mais il faut creuser plus loin, et quand on fait une comparaison cette fois entre milieux sociaux, entre riches et pauvres, c'est là qu'on voit que le problème vient des riches, le problème vient pas des pauvres. Donc demander aujourd'hui aux pauvres de plus faire d'enfants me paraît vraiment vraiment là le scandale ultime, quoi. Donc ce qu'il faut, c'est changer notre mode de vie, c'est-à-dire que les riches disent ben non, c'est vrai que notre mode de vie n'est pas soutenable, et que le premier pas il est à franchir par nous les riches en Occident. Yves-Marie Abraham, merci beaucoup d'avoir pris la peine et le temps de nous expliquer en détail ce qu'on peut lire, en fait, dans cet ouvrage, qui est vraiment quelque chose de bien pour tous ceux qui iront au Salon du Livre à Montréal. J'imagine que vous serez au Salon du Livre dans quelques semaines à Montréal. Oui, on ira faire un saut. Ouais, au kiosque d'éco-société. Ouais. Creuser jusqu'où? Ouais. Extractivisme et limite à la croissance. Bien, merci d'être venu parler au nom de la quinzaine d'auteurs de tout acabit qui ont bien voulu nous éclairer sur ce sujet de l'extractivisme et de nous empêcher d'avoir la tête dans le sable, même si peut-être qu'un jour on manquera de sable dans pour construire tout ce qu'on a à construire pour ces humains qui doivent se trouver des habitats et faire du ciment avec du sable, mais semble-t-il pas avec le sable du Sahara. Merci beaucoup. Merci beaucoup bonne fin de journée. De nous avoir invités. À la prochaine d'ailleurs, je pense qu'il y a d'autres sujets qu'on pourra aborder avec vous. Au grand plaisir, oui. Merci, à bientôt. Sur ces paroles chantées par des Inuits qui effectivement voient des Blancs de plus en plus arriver dans le Grand Nord chez eux, bien, je vous remercie d'avoir été au Grain de Sable. Ne manquez pas toutes les activités, les manifestations à venir. Il faut vraiment s'informer pour être capable de faire comme on l'a fait aujourd'hui, mettre un petit grain de sable dans la société pour mieux comprendre ce dans quoi on vit et ce que les extravagances des humains peuvent en arriver. Donc, merci beaucoup et à la semaine prochaine! Téléchargez le grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Téléchargez le grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaquent dans un instant.